Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, sixième chapitre, obéissance que nous devons à Marie, en qualité d'enfant. Enfant, obéissez à vos parents, dit l'apôtre saint Paul. Il n'est que trop juste qu'un enfant prête obéissance à ses parents. Ils occupent à son égard le premier rang après Dieu, ils tiennent la place de Dieu même, ils sont comme les interprètes de la volonté divine auprès d'eux. Donc les enfants leur doivent obéissance en toutes choses, Colossiens 3, 20. Cela s'entend de ce que les parents peuvent légitimement commander à leurs enfants. Si donc nous sommes en réalité les enfants de Marie, nous lui devons obéissance comme à notre mère, toutes les fois qu'elle nous manifestera sa volonté. Cette soumission est la preuve la plus sûre et la plus essentielle que nous puissions donner à Marie de notre amour, et de notre qualité d'enfant. Mais quelles sont les obligations que Marie nous impose? Jamais je n'ai entendu parler de commandements sortis de la bouche de Marie. Si j'en avais eu connaissance, je me serais fait certainement un plaisir de m'y soumettre. Mon cher lecteur, Marie se fait suffisamment comprendre à quiconque a des oreilles pour écouter. Elle crie assez haut pour quiconque veut l'entendre. La sagesse, pouvons-nous dire, ne crie-t-elle pas, et la prudence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle se tient sur les lieux les plus hauts et les plus élevés. Proverbe 8, 1. Écoutez comme sa voix est forte, ô homme, je crie, j'élève la voix pour me faire entendre de vous, c'est aux enfants des hommes que ma voix s'adresse. Écoutez, car j'ai à vous entretenir de grandes choses, de choses importantes. Écoutez-moi, et vous serez heureux, écoutez-moi, et vous vivrez. Heureux celui qui m'écoute et qui veille tous les jours à ma porte, heureux ceux qui viennent de grand matin écouter mes leçons. Allons donc, ô dévots serviteurs, ô enfants de Marie, allons ensemble entendre les sages instructions de notre mère, apprenons quels sont les commandements qu'elle nous donne. N'allez pas croire aussitôt qu'elle va nous surcharger de préceptes, nous imposer de nouvelles obligations. Non, non, Marie est trop prudente, elle se contente de nous rappeler les obligations que déjà nous avons contractées envers Dieu. Faites, semble-t-elle nous répéter, faites ce qu'il vous a dit. Marie veut donc que nous accomplissions tout ce que Dieu demande de nous, c'est tout dire, mais quand on dit tout à la fois, on n'est pas compris. Tâchons donc de prendre les choses un peu plus en détail, et pour cela nous diviserons ce chapitre en plusieurs paragraphes. markandanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.